Analyse du 20 mai 2021, Thierry Pirlo, Sherpa One. L'affaire Junger-Konings, Laurent Bobelge, acte 1. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens, vidéos et articles qui sont mentionnés dans le descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Cette affaire démarre le 17 mai 2021. Un militaire s'est mis en tête de supprimer le virologue bruxellois Marc Van Ranst. Au moment où j'écris cette analyse, la police et l'armée recherchent le militaire sur tout le territoire belge. Interprétation des faits au 20 mai 2021. D'après les journalistes, ce n'est plus un pistolet mitrailleur de type SCAR de l'AFN que notre homme possède, mais bien un P90. Ce dernier n'est plus dans le coffre de sa voiture retrouvée, mais avec lui dans la forêt. Deux véhicules blindés et une centaine de militaires ont été déployés pour les recherches. Deux chars pour un seul homme, qui, pour rappel, n'a encore rien fait. Bientôt deux avions de chasse F-16 ou en AWACS. Cette traque pue l'arnaque et est probablement une opération de la sûreté de l'État pour détourner l'attention des vrais problèmes actuels. Redorer l'image de la défense nationale et de la police fédérale en chopant un mec soi-disant d'extrême droite avant même qu'il ne fasse des victimes. Redorer l'image du pauvre virologue Van Ranst qui dirige en sous-main l'organisation belge de la santé Sciences-Sano et sa propagande dictée par l'OMS. Redorer l'image du gouvernement en train de voter la loi liberticide pandémique qui va très vite nous la mettre à l'envers et instaurer prochainement le passeport sanitaire. Et surtout, faire d'une pierre deux coups en stigmatisant l'extrême droite, ce qui est à la mode chez nous, comme en France. Après, il n'y a plus qu'à laisser les normies faire des raccourcis entre chercheurs de vérité, complotistes et skin and vrienden, histoire de les mettre hors jeu du champ politique avec le Vlaams Belang. Si notre homme se fait tuer par des policiers surentraînés, soi-disant, incapables de lui mettre une balle dans le genou et une autre dans l'épaule, il est fort à parier qu'on va nous sortir alors une belle histoire post-mortem de tous les objectifs prévus par le gaillard, que la sûreté de l'État aura empêché d'être détruit. Raison ou tort, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de ne pas se faire berner par les médias, la propagande, les fausses infos, comme celles diffusées hier sur l'armement du Gugus et sur ses formations. Première hypothèse, celle de l'agent infiltré. Jürgen a possiblement été récupéré dans son parcours professionnel par le SGR, les services secrets belges, et doit sûrement penser œuvrer pour son pays en infiltrant les milieux d'extrême droite. Des opérations du genre Gladio, derrière les tueries du Brabant, ont été exécutées par des gendarmes zélés à tendance psychopathe, à l'époque convaincus en tuant des innocents de sauver des milliers de Belges dans le futur, en provoquant la chute du gouvernement. À cela s'ajoute une volonté politique de débloquer une débauche de moyens modernes pour la gendarmerie, qui à l'époque était en dessous de tout et fustigée par les amis de la CIA. La fameuse balance bénéfice-risque. Konings a alors été doublé et sacrifié dans cette opération pour des objectifs plus importants que ce que voulait faire un jour le SGR, qui déclenche à cette heure une méga chasse à l'homme. il est alors le con du dîner de con. Bientôt aura lieu l'euro de foot, qui tombe à point nommé pour occuper le troupeau. Du pain et des jeux, et dans notre dos, un passeport vaccinal et une loi pandémie qui passera avant la fin des pénalties et des vacances d'été. Deuxième hypothèse, celle du franc-tireur. Jürgen se voit alors dans le rôle de V comme Vendetta pour réveiller les gens et les consciences sur la dictature sanitaire en supprimant le docteur Fauci belge Kevin Ranst. Il se sentait probablement protégé dans sa quête qu'il estimait juste, quitte à accepter le fait de ne plus revenir de cette mission. Du fait de ses accointances avec le milieu d'extrême droite, ce dernier s'est fait doubler par les écoutes du SGR sur ses propres appareils de téléphonie pour se retrouver être le con d'un dîner de con, d'une opération dont il n'avait plus le contrôle. De l'objectif initial du franc-tireur, observé et écouté durant des mois, se greffe alors une opération secondaire, utilisant Jürgen à l'insu de son plein gré dans une opération faux drapeau au profit du gouvernement belge afin de détourner notre attention. À l'instant T, celui-ci est contacté par les services qui lui disent en quelque sorte « T'es foutu, Jürgen. Nous savons ce que tu prépares et on arrive pour te cueillir. Alors cours, Forrest, cours !» Il avait probablement sorti son flingue de l'armurerie sans aucun problème et subtilisé quelques munitions lors de tirs au stand et était seulement en pleine préparation de son plan sur Van Ranst. Pour ce qui est de ce qu'on a retrouvé dans son coffre, notamment des armes anti-chars de type Law, soit le SGR l'a laissé faire sans intervenir, soit on les y a placés après coup pour dramatiser le narratif et pour le charger comme un âne. J'opterai pour la seconde hypothèse car il est extrêmement difficile, voire impossible de subtiliser des armes anti-chars lors d'exercices. Je suis moi-même un ancien instructeur crack, combat rapproché anti-char et super utilisateur de Law lors des formations officiers et sous-officiers. Deuxièmement, je ne vois pas bien l'intérêt de partir exploser la tronche de Van Ranst avec des lance-roquettes anti-char, hormis les utiliser contre des véhicules de police. Un militaire ne s'attaquera jamais aux véhicules de la police fédérale ou même de ses frères d'armes militaires, sauf dans Rambo. À l'heure où j'écris cette analyse, je suis convaincu qu'il ne sortira pas vivant de l'aventure et que l'on va en faire un exemple pour les autres candidats à la dissidence. Cela permet de plus de fustiger l'extrême droite en Belgique et dans les rangs de l'armée, comme ce fut le cas pour la fausse attaque du Capitole aux USA, avec l'extrême gauche de Soros à la manœuvre. Je ne serais même pas étonné d'apprendre que c'est le cabinet McKinsey qui est derrière le narratif de ces opérations false flag. Nos services apprennent vite de leurs grands frères français, anglais et américains. Et les false flags sont devenus pratiques courantes pour installer les mesures liberticides et obtenir des budgets nationaux, avec le bel exemple des attentats de Zaventem. Probablement un héros avant l'heure, mais s'il le supprime, il va servir le système et non sa cause, et ce, à son corps défendant. Je disais, il y a plusieurs semaines, que tous ces événements font partie d'un plan d'éveil, d'une manière ou d'une autre. Comme avec le bateau Evergreen bloqué à Suez, les affaires de pédophilie qui sortent en France, Rémi Daillet, la lettre des généraux, le cambriolage chez Tapie, la mort du prince Philippe d'Angleterre, les false flags en France et maintenant la traque de ce militaire chez nous. Des centaines d'autres événements se produisent depuis janvier et personne n'est capable de les voir autrement que comme des hasards et des coïncidences, hormis les éveillés. Pour ma part, je suis convaincue à cette heure que tout est lié. Il est donc possible qu'il y ait une troisième hypothèse, celle de l'agent de l'Alliance militaire. J'espère de tout mon cœur que c'est de cette thèse dont il s'agit, d'autant qu'il reste un de mes frères d'armes. Jürgen fait alors lui aussi partie du grand plan, du grand puzzle informationnel. Certains diront du puzzle du Deep State belge. Pour rappel, cette affaire démarre le 17 mai 2021. Et oui, un 17. 17e lettre de l'alphabet égale Q. S'agirait-il d'une opération Q en Belgique? Moi, j'y vois le grand puzzle de l'Alliance militaire internationale, capable à cette heure de monter des opérations false flag positives de chapeau blanc sur notre territoire pour déstabiliser les sociopathes qui nous dirigent. À l'instar du Rambo allemand, recherché par des centaines de militaires et de policiers dans la forêt noire allemande le 13 juillet 2020, soit un peu moins d'un an avant Jürgen. On apprendra par la suite que les forêts domaniales appartiennent aux Rothschild. L'hypothèse est que l'Alliance a provoqué cet incident pour permettre aux autorités allemandes de fouiller sans mandat les forêts des Rothschild suspectées d'héberger des cages d'enfants utilisées pour leur chasse à l'homme. Et oui. Vous remarquerez la synchronicité de l'article ci-dessus écrit le 17 juillet avec le départ de l'opération Jürgen Konings un 17 mai. 17e lettre de l'alphabet égale Q. Q est une opération militaire américaine d'information et d'hameçonnage Intel. Dans ce cas de figure, Jürgen Konings sera exfiltré prochainement de cette opération d'une manière ou d'une autre, sans bobo, et deviendra alors un témoin protégé. Tous ces événements sont le résultat de points de temporalité qui sont soit prévus par ce plan et qui doivent se réaliser quoi qu'il arrive, soit le résultat de réactions qui se font automatiquement grâce à cet éveil. Le plan du bien se sert du plan du mal, en laissant le plan du mal se réaliser mais sous contrôle. Je suis certain que ce Jürgen Konings est un lanceur d'alerte éveillé, même si le choix de ses actions est disproportionné ou désespéré, il fait partie du plan, par le simple fait que les révélations provoquent chez lui ses propres réactions face au système. Ou bien alors, il exécute une mission sous couvert et protection de l'Alliance, branche belge des chapeaux blancs. C'est comme une réaction en chaîne, même si les médias n'en parlent pas. Des réactions se déclenchent partout en Europe et dans le monde. Tout comme les manifs de 50 000 voire 100 000 personnes à Bruxelles, que l'on nous cache aux infos en affirmant qu'elles rassemblent seulement 5 000 anti-vax. Une dictature s'installe facilement dans un pays isolé. Mais ils ont eu les yeux plus grands que le ventre en voulant l'appliquer au monde entier, suivant des préceptes bien connus, mais absolument inapplicables à 7 milliards d'humains en pleine élévation de conscience. Il est possible que de multiples scandales soient déclenchés un peu partout grâce à des agents de l'Alliance militaire, disséminés en Europe et dans le monde, et qu'ils savent que des événements vont maintenant immanquablement se produire par eux-mêmes et par l'effet domino. On pourrait aussi parler de l'effet papillon, avec des actions d'une intelligence supranaturelle, prises par Trump lors de son tour du monde en 2017 et qui ont maintenant des effets tangibles, 10 fois plus importants, sur les actions du Deep State. Le train est lancé et plus rien ne l'arrêtera, il n'a plus de frein. Je pense qu'avant le précipice, il n'y a plus de voie ferrée non plus. et que ce train va s'arrêter de lui-même dans le sable, juste avant de basculer dans le vide. L'opération Green Light a pour but depuis janvier de réveiller les éléments qu'il est encore possible de réveiller. La deuxième audience, comme l'appelle Mohamed Diallo, et surtout de rassurer les vrais éveillés en levant le doute sur l'existence d'une forte opposition au système qui s'installe, de cette alliance militaire derrière Trump. Il ne faut plus se perdre en conjectures, il faut choisir son camp et s'y tenir, car valdinguer entre les deux à la moindre anxiété ou reprise de feu ne sera plus tenable à moyen terme. La scission chez les citoyens est consommée et le divorce est prononcé. Même à cette heure, il est visible que les anti-vax, anti-masques et anti-gouvernement dictatorial sont également les seuls à défendre ce militaire sans même avoir besoin de savoir s'ils ne font pas fausse route, simplement par instinct de l'éveillé. L'éveillé n'a pas cette peur de se tromper ou de passer pour un con, face à la réserve insupportable qu'ont les ovidés sur tous les événements. Je discute depuis 2 jours avec des collègues militaires éveillés et ils ont tous un avis qui abonde dans mon sens. Je discute également avec d'autres militaires qui sont quasi tous vaccinés. Et vous savez quoi? Ils n'ont aucun avis sur cette traque, ni sur rien d'ailleurs. Ils espèrent que l'on flinguera prochainement notre frère d'armes, histoire de retrouver la paix de la grande muette. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien aux événements et parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas. Ils n'ont plus aucune logique, car ils n'en suivent aucune. L'opération Red Light du réveil du troupeau ne devrait plus tarder. Les vacances d'été devraient éclairer notre lanterne et en attendant, je prie pour mon collègue Jürgen, pour que rien de fâcheux ne lui arrive. Je prie également pour sa famille et pour son épouse. Trust the plan. Where we go one, we go all. Sherpa One. Analyse du 23 mai 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One. Jürgen Konings, un film dans le film, acte 2. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés dans le descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Chasse à l'homme. Un criminologue voit Jürgen Konings comme un scénariste qui a tout prémédité. Il dit, il est le héros du film qu'il est en train d'écrire. Toujours introuvable, Jürgen Konings avait, semble-t-il, très bien préparé sa cavale. Michael Dantin, criminologue, explique à nos confrères de RTL que ses actes sont identiques à ceux du scénario d'un film. Jürgen Konings est toujours activement recherché en Flandre, dans la province du Limbourg. Après le ratissage infructueux mené dans l'immense parc national de la Haute-Campine, les recherches s'orientent à présent dans l'entourage du fugitif. Plusieurs perquisitions ont été menées, dans les milieux d'extrême droite notamment. Interpol a aussi lancé un avis de recherche dans le monde entier. Au cœur de l'actualité, le militaire de 46 ans avait programmé toute sa cavale, laissant même une lettre à sa compagne. Pour Michael Dantin, criminologue à l'Université de Liège, on peut même employer le terme de scénarisation. Il s'explique dans les colonnes de RTL. Le fait d'envoyer ses lettres d'adieu, de clamer son amour à sa compagne, de prendre le soin de dire « j'ai nettoyé la maison pour ne pas que l'on trouve des choses qui t'incriminent », d'avoir déposé ses décorations militaires sur la tombe de ses parents défunts, il y a une forme de scénarisation qui n'est pas loin de rappeler ce que l'on a vu dans certains films, explique le spécialiste. On est face à quelqu'un qui a mûri et réfléchit son projet. On doit se poser la question, jusqu'où a-t-il réfléchi? Jusqu'où a-t-il été capable de créer de fausses pistes? L'acteur principal du film, c'est lui. Cet effet-là est rencontré puisque tous les projecteurs sont braqués sur lui. Il est donc en ce moment le héros du film qu'il est en train d'écrire, ajoute-t-il. Le criminologue explique que Jürgen Konings a imaginé tout un scénario comme au cinéma. La question est de savoir si c'est quelque chose de minutieusement préparé avec de fausses pistes et autres, se plaisant à balader les services de sécurité. Ou avait-il un scénario bien rodé qui s'est heurté à une impossibilité de le concrétiser? C'est difficile à dire pour l'instant. On n'est pas face à quelqu'un de totalement impulsif, qui serait irrationnel. La meilleure preuve, c'est que si ça avait été un profil tel que celui-ci, on l'aurait déjà retrouvé, analyse Michael Dantine. Analyse du Sherpa. On nous aurait encore menti. Dimanche dernier, au Mont des Arts à Bruxelles, pas de policiers, mais des militaires. Cette histoire avec Jürgen ne serait-elle pas pour nous cacher une autre réalité? Si c'était le cas, comment et où chercher le pourquoi de ce déploiement militaire? C'est la partie immergée de l'iceberg et du plan de l'Alliance. France ou Belgique, tous ces mouvements militaires ne sont pas des hasards. Nettoyage de tunnels ou de zones boisées, tout est lié et on comprendra à la fin. Maintenant, rien d'étonnant d'avoir le plan Sentinelle réactivé à cause de ce militaire en goguette. Synagogue, 11 rue de la Loi et mosquée, tout est de nouveau sous contrôle. Ce Jürgen n'a pas passé 5 minutes dans cette forêt, il est couvert par un réseau et a rejoint la résistance. Laquelle? Impossible de le savoir. Complicité d'extrême droite? Probablement. Comme l'a dit dimanche un ancien paracommando à l'émission « C'est pas tous les jours dimanche », il a jeté un fromage en laissant sa voiture abandonnée et est parti dans la direction opposée. Si c'est le cas, les Low, Armand Tichard, sont des leurs. Des armes non chargées et factices, de simples tubes inertes drill, utilisés lors des formations pour égarer les recherches. Impossible pour lui d'avoir subtilisé des lance-roquettes réelles. Si ce sont des Low factices, les enquêteurs sont de vrais amateurs. Si ce sont de vrais Low, on les a déposés dans son coffre pour aggraver son cas. Dans tous les cas, ce mec n'a pas fouillé à l'étranger, mais est sur le territoire, hébergé par des amis ou par l'Alliance. Les autorités ont du souci à se faire. Avec Jürgen, le troupeau en attente de picouse et de passeport vaccinal restera sous perfusion hypnotique jusqu'au premier match des Diables Rouges. Concernant notre dangereux fugitif, il s'avère à cette heure que la police a confondu des fusées éclairantes avec des armes anti-chars Low, semblables. Rien ne prouve non plus qu'il serait armé. Ces amateurs ne sont pas sortis de l'auberge. Alors que rien ne prouve que Jürgen ne soit affilié à l'extrême droite, l'ami Van Rans est quant à lui très protégé et bien inscrit dans les rangs de l'extrême gauche et dirige toujours le pays depuis sa retraite super sécurisée. Jürgen, lui, n'a toujours rien fait de répréhensible à cette heure. Open your eyes. Selon le parquet fédéral, le sac à dos retrouvé avec des munitions est lié de 80 à 90% à Jürgen Konings. Donc, après avoir abandonné sa femme, deux lettres, une voiture pleine d'armes anti-chars, notre Jürgen national serait revenu dans le bois où 400 policiers et militaires l'ont cherché il y a 3 semaines. Tout cela pour y abandonner un sac à dos rempli de munitions de chasse et de conserve. C'est fascinant, cher Pawan. Analyse du 20 juin 2021. Thierry Pirlo, cher Pawan. Affaire Jürgen Konings, épilogue et mort pour raison d'État, ou toujours vivant. Acte 3 et fin. Donc voilà, un militaire surentraîné et sniper qui prend des risques de malade pour soustraire des armes et des munitions sur le lieu de son travail, pour tenter de flinguer le virologue Mark Van Ranst. Il avait découvert les conflits d'intérêts de ce médecin sur le net il y a déjà plus d'un an et ne pouvait plus supporter que ces derniers dictent notre santé et notre vie. Jürgen laisse non pas une, mais deux lettres chez lui, l'une pour sa femme, l'autre pour la police, dans lesquelles il explique et dévoile ses vrais objectifs et intentions. Ce qui, pour un militaire, reste assez étonnant. Il abandonne sa bagnole en lisière d'un bois, avec à l'intérieur des lance-roquettes anti-chars. Il revient 3 semaines plus tard, déposer un sac avec des munitions de chasse et des conserves, alors qu'il est probablement, d'après le parquet, hébergé par la Légion flamande, les méchants nazis d'extrême droite. Et finalement, il décide de se faire sauter le caisson dans un autre bois, à peine à 100 mètres du périmètre de recherche. Vous y croyez à celle-là? Moi, non. Mais le principal, c'est que le troupeau y croit. Car pendant tout le narratif des aventures de Jürgen, il s'en est passé des choses dans votre dos, et vous en comprendrez bientôt toute la substance. Et chez les militaires, la chasse aux sorcières d'extrême droite ne fait que commencer. Jürgen a vécu, et Jürgen est mort, pour raison d'État. Repose en paix, camarade. Ou alors, Jürgen est toujours bien vivant, exfiltré par des éléments de l'Alliance, et remplacé par un Maccabée que même la famille aurait du mal à reconnaître. Dans ce cas, chapeau l'artiste, tu les auras bien tous emmerdés. Fin de l'histoire, cher Pawan. Pour une meilleure compréhension de cette affaire, je vous suggère de suivre les liens que vous trouverez dans le descriptif de ce podcast. Posez-vous les bonnes questions. Surtout avant de vous faire injecter la 3e dose. Give me a sign, you give me a lift, you take me home when I'm done my shift. You give me a loan when I'm stone cold broke, you get me high when I need a toke. I was born to love, I was born to love, I was born to love, I was born to love. Times were tough, we made it through, we tasted the rough, so let's say all the time I was hurting you. Got to believe that I was hurting too. I was born to love, I was born to love, born to love, I was born. You're the only one I can talk to. The only one I can really read. I know you give because you want to. Don't you think it's time you learn to let yourself receive? Make you smile, make you sing. Just wanna give back a little bit of what you give to me. I can sing you a song, play you a tune. I know it's just a little thing, but it's something I can do. I was born to love. I was born to, I was born to love. I was born to. I was born to love. I was born.